soir, je viens me glisser dans tes rêves. Dans cette mer que le désir soulève, laisse-moi faire de toi mon trésor. Comme Harpagon à genoux sur son or, des paupières de fièvre sont à moi, des frayeurs, des rêves sont à moi, sont à moi, sont à moi. Jaloux de tout. Quand tu t'en vas seul vers d'autres affaires, je sais toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu comme un maillard, les yeux bandés même quand il fait noir. Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi, tes yeux en colère sont à moi, sont à moi, sont à moi. Sur mes falaises où mon amour se promène à son aise, même si ce n'est que pour nous regarder, un accident est si vite arrivé. Tes jours dans la lumière sont à moi, sont à moi. Les nuits, leurs mystères sont à moi, sont à moi, sont à moi. Jaloux et jaloux.